entends-tu trembler la terre? Vois-tu ces oiseaux noyés, les cris des chiens éborgnés, hurler leurs sombres prières? Elles tournent de travers la terre, où coulent les flaques de sang. Tourmente, tourmente nos cœurs sans repère, bien souvent ceux d'innocence. N'y a-t-il vraiment plus rien à faire que de s'aimer? L'odeur des colères.